Place des Bussois. Nous vous rappelons que le samedi 27 mars, à partir de 15h30, aux arènes de Mus, aura lieu le Carnaval 2010. Tout à fait, mon cher Hugo. Il y aura bien sûr le défilé de vélos magistralement décoré. Et une coupe sera remise au plus beau vélo décoré. Il y aura bien évidemment les participants de toutes les associations du village. Et sans oublier le comité des fêtes. Bien sûr, les associations feront des petits spectacles tout au long du parcours du défilé. Avec de la danse et du théâtre et plein d'autres choses. Mais chut, nous vous en dirons pas plus. Vous verrez de vos propres yeux le jour du carnaval. Et nous voulerons bien sûr Monsieur les Verts au stade. Alors venez nombreux, ça va être génial. Les participants seront conviés à une soirée costumée dont l'ambiance sera assurée par un DJ. On pourra tout de même manger. Mais oui Hugo, ne t'en fais pas. Il y aura buvette et snack ouverts pendant toute la soirée. Alors vous avez compris, si vous voulez vous amuser et rigoler, venez nombreux, on vous attend. Maître de vos testas, vous l'avez aidé, qui vous donne le droit de commander au soleil. Satisfaites-vous de l'hiver. Débordant d'orgueil, vous étonnez. Vomissant d'envie jusque dans votre sommeil, agrippant la moindre chimère. Mes chers psychoses, vous m'avez néblosé. Vos inepties vous décident à merveille. Il est temps pour vous de vous. Alors venez nombreux, ça va être génial. Tout à fait, mon cher Hugo. Mus 21 Radio. Tout à fait, mon cher Maxime.